Merci Mathieu Garrigou-Lagrange, à la semaine prochaine. De l'infiniment grand à l'infiniment petit, de la synthèse des éléments lourds dans les étoiles à la fleur sauvage au fond du jardin. Tel est le parcours de l'astrophysicien Hubert Reeves, qui après avoir consacré sa vie au cosmos, se dédie aujourd'hui à la beauté, à portée de main, juste là sous nos pieds, et à son combat pour la préservation de la biodiversité. En cette semaine où l'IPBES, surnommé le GIEC de la biodiversité, a rendu un rapport à propos duquel le terme « alarmant » fait figure d'euphémisme, Hubert Reeves, bientôt 84 ans, ne se départit pas de son éternel optimisme. Si nous sommes toujours victimes de ce fameux putain de facteur humain, il y a et il y a toujours raison d'espérer. Hubert Reeves, la biodiversité au fond du jardin, c'est le programme botanique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Bonjour Hubert Reeves. Bonjour monsieur Martin. Merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui chez vous, dans votre appartement parisien, par ce jour de grande pluie. Grande pluie, oui, le soleil n'est pas très visible aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Vous venez de publier au Point Seuil « J'ai vu une fleur sauvage, l'herbier de Malicorne », qui est donc, comme son nom l'indique, principalement un herbier, dans lequel vous présentez plusieurs spécimens de fleurs sauvages que vous avez observées et répertoriées avec votre épouse d'ailleurs et une photographe dans le jardin et les bois alentours de votre demeure en Bourgogne, à Malicorne donc. Oui. C'est avant tout, comme son nom l'indique, un herbier, mais ce n'est évidemment pas qu'un herbier. C'est un livre dans lequel vous partagez un certain nombre de pensées autour du monde végétal, de la nature, de la biodiversité, comme à votre habitude, avec beaucoup de douceur et beaucoup de poésie. C'est quoi le point de départ de ce livre, Hubert Reeves? Pourquoi avoir voulu répertorier la nature autour de votre demeure de Bourgogne? Oui, bien l'idée au départ, c'est que nous sommes entourés de choses intéressantes, des étoiles et des fleurs, et qu'on peut passer sa vie sans les connaître. Et que ça fait partie du plaisir de vivre que de pouvoir connaître, suivre ce qui se passe dans la nature, aussi bien dans le ciel que sous nos pieds. Et donc, c'est une idée de... C'est un peu dans la continuation de ce que j'ai fait comme métier, de dire à certaines personnes... Il y a des choses intéressantes dans le monde, mais vous pouvez passer votre vie sans les connaître. Et c'est important qu'il y ait des personnes qui vous les présentent. C'est un peu ce rôle de présentateur, ou ce qu'on appelle aussi de passeur de connaissances, qui peut dire aux gens, il y a des sources de plaisir, oui, il y a des sources de richesse de la vie, et ça pourrait vous intéresser si vous les connaissiez, mais vous ne les connaissez pas parce que personne ne vous les a présentés. Donc c'est un peu un rôle que j'ai adopté de présenter aux gens le fait qu'il y a des choses extraordinaires qui ne sont pas nécessairement à l'autre bout de la planète, mais qui peuvent être sous vos pieds et qu'il y a dans les fleurs sauvages des beautés qui peuvent enrichir la vie. Et le titre, je l'ai choisi à partir d'un haïku japonais qui s'appelle « J'ai vu une fleur sauvage. Quand j'ai su son nom, je l'ai trouvée plus belle. » C'est-à-dire, il y a déjà un rapport ancien des êtres humains avec les fleurs, ils les ont nommées. Ces noms font partie du vocabulaire, on connaît les marguerites, on connaît les violettes, mais il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas, qu'on peut ignorer toute sa vie. Et le but, c'était un petit peu ça. C'était un but de présentation à ceux que ça peut intéresser de ces sources de plaisir qu'il y a à vivre, à être dans la nature, ce qu'on appelle aujourd'hui habiter poétiquement le monde, c'est-à-dire ne pas simplement passer au travers en grommelant avec eux, mais au contraire, en profiter vraiment pendant les décennies que nous avons. C'est amusant parce que au début du livre, vous racontez cette anecdote d'une amie à vous qui dit « Je ne veux pas m'encombrer la tête de tous ces noms de fleurs, je préfère les admirer sans mots. » Et le haïku que vous venez de citer, qui ouvre votre livre, dit justement « La connaissance, c'est rajouter de la beauté à la beauté. » Oui, et c'est un peu s'associer à l'humanité du passé qui a nommé ces fleurs, qui les a mises dans ce qui s'appelle la culture et qui font partie de la culture, de ce que nous pouvons vivre, ce que les humains, je dirais, ont ajouté à la nature. Parce que ces fleurs-là, elles existent depuis longtemps, mais elles n'avaient pas de nom. Et là, tout d'un coup, on entre en communication, en contact avec tous ceux dans le passé, toutes ces vieilles dames. Je reçois beaucoup de courriers de personnes qui sont très contentes. Oui, j'ai toujours été amoureuse des fleurs. Je connais bien les petites fleurs dont vous parlez. Vous voyez, ça fait une espèce de contact avec des êtres humains qui est quelque chose d'abord universel. Ça, bon, on le fait en français, là, mais ça se vaut dans toutes les langues. Et c'est ça un petit peu que j'ai essayé de faire. Comment vous avez renoué avec cette forme de l'herbier, la botanique? On en parlait il y a pas très longtemps avec Marc Janson dans l'émission. On a le sentiment que c'est un peu une science du passé. Or aujourd'hui, on se rend compte que elle est plus importante que jamais, que nommer ce qui existe, que faire le compte rendu de cette diversité, même à côté de chez nous, c'est important. Oui, alors comment je suis arrivé à cela, c'est à cause de ma grand-mère. J'avais une grand-mère qui connaissait très bien les fleurs des bois, et donc j'ai vécu au Canada, près de Montréal, dans cette ambiance, dans ces marécages, dans ces prairies où on trouvait toutes les fleurs. Et donc j'ai toujours eu, après coup, l'idée de faire quelque chose à ce sujet, après que je suis arrivé à ménager en France, je me suis dit, je vais faire la même chose ici. Et c'est pour ça que c'était un rêve que je rêvais de faire depuis longtemps, de m'intéresser et de faire partager ce plaisir que j'avais. Nous avions aussi dans la famille un botaniste, un père trappiste qui était un ami de la famille et qui enseignait la botanique à l'Université de Montréal. À cette période, il n'y avait pas la séparation entre l'Église et l'État, c'est-à-dire que des moines dans les monastères donnaient des cours d'université. Et donc, c'était un ami de la famille, en particulier un ancien ami de ma mère. Et donc, nous allions régulièrement, tous les étés, à la Trappe, à Oka, un petit village près de Montréal. Et il nous amenait dans la forêt pour voir un peu les fleurs et surtout nous parler des Indiens, des Indiens qui utilisaient telle ou telle plante pour ceci et tout ça. Ça faisait partie de l'ambiance familiale. Donc c'est pour ça que pour moi c'était comme réaliser un vieux rêve. Les Indiens autour de Montréal, c'est les Abénakis? C'est les Iroquois. Les Iroquois? C'est les Iroquois, oui. C'est amusant parce que vous expliquez dans ce livre, Hubert Reeves, cette sensibilité que vous avez, ce que vous venez de nous raconter dès le départ, cette sensibilisation que vous avez eue à la nature, à l'inventaire du végétal. Pourquoi n'avoir pas continué dans cette voie de naturaliste, botaniste? Oui, c'était un choix. J'ai dû hésiter. En fait, je voulais faire des sciences parce que je trouvais vraiment que c'était un métier intéressant, mais il fallait choisir. Et comme en même temps j'avais beaucoup de goût pour les mathématiques, j'ai préféré faire de la physique parce qu'en physique il y a de belles mathématiques. En biologie, il n'y a pas d'équivalent de la théorie de la relativité d'Einstein. Et donc, j'ai plutôt commencé par ça, mais c'est un peu un rêve du grand âge que de dire, c'est des choses que j'aurais aimé faire aussi, et donc de me remettre à cette occupation. Ça faisait partie un peu ce qui m'intéressait, ce qui m'a toujours intéressé, c'est la connaissance. C'est de connaître ce monde dans lequel nous vivons, et sous tous ses aspects. Aussi bien dans mon métier de scientifique que l'origine de l'univers, l'origine des étoiles, les problèmes des trous noirs, tout ce qui se développe aujourd'hui, pour moi, c'est toujours aussi passionnant. Mais c'est l'univers dans son ensemble qui m'intéresse dans toutes ses manifestations. J'ai pas pu faire de biologie parce qu'on peut pas tout faire. Mais je m'intéresse toujours beaucoup à cette fameuse question de la vie, qu'est-ce que la vie, et tout cela. Il y a une phrase que j'aime beaucoup dans les premières pages de votre livre, Albert Rives. Vous écrivez: Le marcheur qui arpente la campagne observe le monde depuis l'altitude de ses yeux. C'est ce que nous pouvons appeler l'observatoire personnel. On passe de l'observatoire astronomique à l'observatoire personnel. Personnel. Oui, ça importe quand il s'agit des fleurs, bien sûr, parce que si vous restez à cette hauteur, c'est-à-dire si vous êtes resté debout, vous ne voyez pas du tout la même chose que si vous vous penchez, si vous vous mettez à genoux, si vous prenez la fleur dans votre main, si vous utilisez une loupe pour voir exactement. C'est aussi quelque chose comme un programme d'observation, moins coûteux que de faire des télescopes ou de lancer des satellites dans l'espace, tout aussi accessible, sauf qu'il faut savoir, il faut savoir qu'il y a là quelque chose qui est également très très beau, très passionnant, qui fait partie de la nature, quoi. Vous parlez aussi beaucoup de ce projet comme d'un projet collectif avec votre femme, avec une photographe qui a travaillé sur ces photos-là. Comment est-ce que vous avez travaillé tous les trois? C'est votre femme peut-être qui a la première cherché, vous a poussé dans cette idée-là, a été intéressée par ces plantes ou pas du tout? Un petit peu, mais plus exactement, c'est cette amie qui est photographe et avec laquelle bon, c'était important d'avoir une photographe professionnelle Patricia qui s'appelle Aubertin. Patricia Aubertin, oui. Et donc c'est avec elle que pendant 5 ans, nous avons parcouru à pied, parce que l'idée, c'était pas d'écrire le monde entier, mais ce coin de Bourgogne, dans l'Yonne. Et c'était aussi parce que, une constatation que j'ai faite souvent, quand vous voulez identifier une fleur, il y a des tas de livres de botanique dans les magasins. Le problème, c'est que pour une fleur, il y a généralement une ou deux images. Et c'est évidemment pas suffisant parce que tout au long de l'année, la fleur, à partir de sa naissance jusqu'au moment où elle fane, elle change, elle évolue, elle prend des formes différentes, elle peut même changer de couleur, il y a des quantités de choses qui se passent. Et ça, vous ne les trouvez pas dans les livres que vous trouvez dans les boutiques. Et donc, souvent, vous regardez la fleur qu'il y a dans le livre et vous regardez la vraie fleur et vous ne pouvez pas les reconnaître. Donc, c'est l'idée qu'on avait de dire, on va faire utiliser l'Internet, puisque maintenant on peut mettre beaucoup de documents et qu'on a des couleurs fidèles, ce qui est généralement pas le cas dans les bouquins qui sont vendus dans les magasins, ça coûterait trop cher, mais avec Internet ça marche très bien, pour essayer de faire des collections. Et chaque année on essayait de suivre l'évolution de la fleur, on a fait ça pendant 5 ans. De suivre l'évolution de la fleur pour pouvoir l'attraper aux différents moments et donc les gens puissent dire, ah ben ça, c'est telle fleur au départ ou à tel moment ou etc. Donc ça, c'était l'autre but qu'on a fait et on a mis tout cela sur Internet et dans le livre, on donne les informations. Il y a plus de 600 images pour 43 espèces, donc ça en fait plusieurs par espèce, c'est ça qui a mis tout ce temps. Mais en même temps, évidemment, on s'instruisait beaucoup nous-mêmes, on a découvert plein de choses qu'on ne connaissait pas. Donc ça a été vraiment une expérience très agréable. Parlez-moi de quelques-unes de vos essences favorites. Quelles sont les fleurs qui sont chères à votre cœur particulièrement? Alors, celle que j'aime, qui m'est particulièrement chère, ça s'appelle la Véronique. La Véronique de Perse, parce que c'est une des toutes premières et qui apparaît presque soudain. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas venu à la campagne depuis quelques jours, ou même quelquefois un jour, le matin, vous en trouvez partout. Elle a un bleu très beau, très, très subtil. Elle est toute petite, vraiment minuscule. Il faut la tenir dans sa main ou une loupe. Mais pour moi, c'est toujours, tiens, le printemps est revenu. C'est un petit peu ça. C'est celle que vous tenez dans votre main sur la couverture? Non, ça, c'est une autre fleur qui est un arôme. C'est un arôme gouais. Et c'est une fleur qui a une particularité, c'est qu'elle a un piège. C'est-à-dire qu'elle a une espèce d'appareil un peu gluant, qu'on appelle une spathe, sur lequel les insectes viennent se placer, et l'insecte glisse dans le fond de la fleur, et elle est emprisonnée par des poils qui se referment, et qui la gardent là toute la nuit. Et donc, elle se frotte autour, elle répand le pollen qu'elle a déjà sur le dos, elle prend le pollen de la fleur qui est là, et le lendemain matin, comme par miracle, les poils s'ouvrent et elle peut s'envoler. Et donc j'ai trouvé que cette astuce au niveau d'une fleur était vraiment extraordinaire. Je trouve que la nature utilise des moyens fantastiques, comme cette idée de faire le piège, de le garder pendant la nuit pour s'assurer que ça va bien marcher le lendemain, et puis ensuite de libérer le petit insecte en question. Ça, c'est pour moi. Et donc, dans cette première image, je suis comme un chirurgien, c'est-à-dire que j'ouvre la fleur avec un petit couteau pour présenter dans une photo au lecteur cette fleur et surtout son système de piège qui lui permet de réaliser cet exploit fantastique. Il y a un autre parallèle que vous faites, Hubert Reeves, dans cette première partie avant de rentrer dans l'herbier que vous avez appelé Florilège, par ailleurs, que j'aimerais vous faire commenter. Mais avant cela, c'est intéressant parce que cette grande ferme que vous avez rachetée pour la retaper avec votre épouse, il s'appelle le château de Hautefeuille. Je trouve ça intéressant. Hautefeuille, quand on parle d'observatoire personnel. Ah, ben oui, en effet, c'était un château qui existait jusqu'à il y a quelques années. Il a été bâti vers 1700 et le château a été démoli pour des raisons qu'on peut regretter, mais enfin, c'est comme ça. Mais ce château a une dépendance, c'était une ferme. Et ce que nous avons trouvé un jour, avec mon épouse, on cherchait une maison de campagne, comme on dit. Et puis, mon épouse aime restaurer, c'est son plaisir favori. Et donc, on voulait une ruine. Elle disait, moi, je veux quelque chose qui ne sera pas terminé dans 10 ans, parce que après, je m'ennuie. Donc, on a trouvé ça il y a 40 ans et elle l'a restauré d'une façon tout à fait admirable. J'en parle dans le livre. Et c'est un endroit où nous recevons des amis et puis on peut aussi évidemment regarder toutes les merveilles de la nature dans cette région. Et à propos de recevoir des amis, vous comparez cette effervescence qu'il y a pu avoir dans cette maison avec la demeure de Nohant dans le Berry où George Sand et Frédéric Chopin recevaient leurs amis dans une atmosphère, vous dites, propice à la création artistique. Oui, on a été frappé à un moment donné de voir qu'il y avait une analogie. Et l'analogie était aussi sur un autre plan, c'est que George Sand, comme mon épouse, avait l'idée de faire un lieu où on pourrait encourager la création artistique, mais non seulement cela, avoir des ateliers de peinture, des choses comme ça. Donc, c'est une analogie qui s'imposait et que, sans la connaître à cette période, maintenant on ne connaissait pas, on a imaginé, donc c'était intéressant. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous sommes en compagnie d'Hubert Reeves tout au long de cette heure qui a eu la gentillesse de nous accueillir à son domicile parisien. Alors Hubert Reeves, c'est impossible de ne pas parler avec vous de l'actualité toute récente de ce début de semaine. L'IPBES, qui est la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, qu'on appelle aussi le GIEC de la biodiversité, se réunissait la semaine dernière à Paris. Il a rendu son rapport lundi, on en a beaucoup entendu parler, un rapport qui est le fruit du travail de 145 experts de 50 pays, et un rapport dont on va qualifier les conclusions de sans appel, et où je vous laisserai peut-être même trouver les mots qui vous conviennent le mieux. Je le résume en quelques mots, 1 million d'espèces animales et végétales sont menacées d'extinction sur les 8 millions recensés, beaucoup dans les années, les dizaines d'années à venir. Comment est-ce que vous l'avez reçu, ce rapport, Hubert Reeves? Je m'en doutais, parce que ça fait longtemps qu'on... Ça fait plusieurs décennies que l'on constate cette détérioration de notre planète, de la vie sur la planète. Et donc, je n'étais pas étonné. J'étais en particulier très frappé par la confirmation. D'une part, c'est important d'éviter les alarmismes. On veut savoir ce qui en est vraiment. Donc, de savoir qu'il y a maintenant des spécialistes qui confirment haut la main, c'est très important. C'est une base de, je dirais, constatation de la gravité de la situation que je décrirais, parce que je ne voudrais pas qu'on en reste à ce rapport, au fait qu'en fait, nous sommes dans une véritable guerre entre deux forces qui prennent de l'importance toutes les deux, une détérioration grandissante, ce rapport en témoigne, c'est pas de la blague, mais en même temps, il y a, qui est naissante et très vigoureuse, une force de restauration très importante qu'on retrouve régulièrement, par exemple, autour de la conférence de la COP21, on la retrouve non pas tellement au niveau des gouvernements qui sont plus ou moins indécis, mais au niveau des villes. C'est dans les villes, il m'arrive souvent de visiter des villes de France ou du Canada et de voir jusqu'à quel point il y a des avancées qui ont été faites, il y a une course en avant, il y a une prise de conscience qui prend, et vous ouvrez la télévision, il n'y a pas un jour où vous n'apprenez pas quelques problèmes et quelques avancées, quelques initiatives, que ce soit chez les enfants ou dans les lycées. Je vais souvent dans les lycées, je vois jusqu'à quel point les étudiants maintenant sont avisés, sont réactifs et ont déjà entrepris des quantités de choses. Donc je pense qu'au lieu de parler d'une catastrophe inéluctable, personne ne connaît l'avenir. Ça, c'est la première chose. Personne ne sait comment sera cette planète dans 50 ans. Ça pourrait être bien pire, ça pourrait être bien mieux. Tout va dépendre des décisions qui sont prises aujourd'hui, en particulier par ce qu'on appelle la base, c'est-à-dire les gens et tout ça, mais aussi, si on peut l'espérer, par les gouvernements. Alors, il y a eu, par exemple, cet événement que je trouve capital, historique, qui s'est passé en 2015, c'est à la fin de la conférence de la COP21, 195 pays, leurs représentants, se sont mis d'accord pour dire « il y a un problème majeur ». Ça, c'est nouveau. C'est nouveau dans l'histoire de l'humanité que toute la planète, presque, s'entend sur un point. Parce qu'évidemment, il n'y a pas d'espoir possible si chaque pays a des opinions différentes. Donc ce geste, pour moi, qui est analogue à la Déclaration des droits de l'homme, c'est-à-dire vraiment un mouvement mondial où les humains prennent conscience de leur importance sur la planète et prennent conscience des problèmes qui font que nous sommes en train de rendre la planète inhabitable et que les conséquences peuvent être très sérieuses. Donc je dirais que cet événement, comme beaucoup d'autres, beaucoup d'animaux maintenant qui étaient en train de disparaître ont été sauvés grâce à la commission baleinaire, où nous savons que certains types de baleines qui étaient sur la liste des animaux menacés ont été retirés de la liste. En France, il y a la loutre, il y a le castor, il y en a de plus en plus. Donc, on doit plutôt que de considérer cela comme une catastrophe inéluctable, c'est foutu, quand on dit c'est foutu, mais au contraire comme un conflit, comme une véritable guerre entre deux forces qui prennent de la puissance, spécialement ces dernières années, c'est particulièrement rapide, et comme une partie de football, on ne sait pas qui va gagner, mais cela ne veut pas dire que la vie deviendra inhabitable sur la Terre. Cela veut dire qu'il faudra travailler beaucoup, que ça coûtera très cher, qu'il faudra des efforts mondiaux, qui se développent d'ailleurs, pas partout malheureusement, et pour savoir, pour voir ce qui va arriver. Donc c'est plutôt une question d'attitude. C'est pas de dire qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois fermer l'eau sur mon robinet, ou c'est plutôt quelle attitude prendre. Nous sommes dans une situation grave. Nous pourrions disparaître. Ça, c'est nouveau. Ça, on ne savait pas. Cette idée que l'humanité pourrait disparaître de la Terre est une possibilité non négligeable et devant laquelle il faut à tout prix s'opposer et réagir. Il faudra une réaction très sérieuse. On ne retrouvera jamais la planète qu'on a eue avant l'ère industrielle. On l'a déjà beaucoup détériorée et ce sera beaucoup d'efforts pour réussir. Mais cela ne veut pas dire qu'elle deviendra invivable. Cela voudra dire que la vie sera sans doute beaucoup plus austère. Nous n'aurons plus cette planète où la richesse, où l'énergie est pratiquement infinie, où on peut à tout instant prendre l'avion pour aller à New York faire ses courses. Cette vie que nous vivons aujourd'hui, nous savons qu'elle ne va pas durer indéfiniment. Nous avons déjà des limites sur l'énergie, mais je crois que les êtres humains sont géniaux quand ils s'y mettent. C'est pas toujours le cas, mais quand ils s'y mettent, ils font des choses fantastiques. Donc, tout espoir n'est pas perdu, mais la vie, la lutte sera très dure pour savoir comment sera la planète, disons, en 2100. Alors, on entend bien et on connaît, et c'est d'ailleurs assez rassérénant, votre indécrottable optimisme, Hubert Reeves. C'est vrai, vous êtes un grand optimiste, vous l'avez toujours dit. Quand vous parlez des accords de Paris en 2015, moi je vais jouer le méchant journaliste qui fait l'avocat du diable, mais les derniers rapports du GIEC vont pas tout à fait dans le bon sens. Ils disent que en 2018, les productions de CO2, les émissions de CO2 ont encore augmenté de 2%. Ça veut dire qu'on continue à émettre du CO2. Il y a ce rapport sur la biodiversité qui dit que tout de même, 1 million d'espèces sur les 8 millions recensées, ce qui ne dit pas que toutes les espèces non recensées, qu'on ne connaît pas encore et qui vont probablement souffrir de la même façon, vont disparaître à très court terme. Vous pensez aujourd'hui que le discours alarmiste, il n'a pas fonctionné, qu'il faut en sortir, que c'est inopérant? Vous parlez souvent du putain de facteur humain pour l'expliquer. Vous en aviez parlé à ce micro. Mais aujourd'hui, dire on court à la catastrophe, ça ne marche plus? C'est-à-dire, ça marche en autant qu'on n'en ajoute pas que cette catastrophe est inéluctable. C'est le double danger. Il y a deux objectifs à tenir quand on parle d'écologie. C'est d'une part d'être vrai, de ne pas cacher la réalité, et c'est ce que ce nouveau rapport du GIEC fait. Voilà le bilan qui importe. Mais la deuxième chose, c'est de ne pas décourager. Si vous découragez, c'est foutu. Donc c'est de dire, il y a des choses qui se font, il faut vanter à la fois ces choses qui se font, ce qu'on appelle le réveil vert. Et ce réveil vert n'est pas nouveau, il faut le dire aussi. Une des premières manifestations date de plus d'un siècle. Ça se passe en Californie, au moment où on vient d'éliminer plus de 60 millions de bisons et qu'on tue les baleines à un rythme extrême. Des gens, en particulier, se réunissent pour dire « il ne suffit pas de déplorer ». Jusqu'ici, on a souvent déploré, c'est pas nouveau que les êtres humains se comportent d'une façon négative par rapport à la nature, ça date de plusieurs dizaines de milliers d'années, mais ça n'était pas très grave parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'humains. Le point que nous avons atteint à la fin de la guerre, la dernière guerre, et avec la richesse et la construction des voitures, c'est que maintenant, c'est assez grave, c'est assez généralisé, c'est assez puissant. Je pense à cette détérioration, elle est assez puissante pour rendre la Terre inhabitable. Et donc, à partir de ce moment-là, on commence à dire, ça devient majeur, il faut absolument se relier, se rassembler, et c'est ce qu'a fait la COP21, c'est déjà un bon point, et essayer de dire maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il va falloir piloter ces changements aujourd'hui. Bien sûr, ces changements vont continuer, mais il y a toute une éthique maintenant de la biodiversité, de sauver la biodiversité. Par exemple, il y a le problème des espèces dites invasives. Alors, les espèces invasives, qu'est-ce qu'on doit en faire? Eh bien, ça dépend des cas. On a trop souvent répandu cette phrase qu'il faut éliminer toutes les espèces invasives. Mais les espèces invasives ont une qualité, c'est qu'elles sont très résistantes. Et si on élimine les espèces résistantes, je crois qu'on s'appauvrit encore plus. C'est-à-dire, il faut y voir au cas par cas. Il y en a où c'est une bonne idée, il y en a d'autres au contraire. Enfin, ça devient toute une nouvelle étude qui va générer des métiers, d'ailleurs, des embauches, c'est le côté positif, et qui se développe déjà beaucoup. Et je prends par exemple un événement dramatique qui a des effets inattendus, c'est la réaction de Trump. On a été très déçus quand M. Trump a été élu d'apprendre qu'il avait refusé les accords de la COP21. On a été au contraire très stimulés par le fait que cette attitude de la part de leur président a créé une réaction très intense chez énormément d'Américains, chez énormément de villes américaines. Par exemple, la Californie aujourd'hui est devenue plus verte que les objectifs. La Nouvelle-Angleterre aussi. Ça a eu l'effet contraire, disons, de ce que peut-être aurait voulu Trump, c'est-à-dire ça a relancé l'idée. C'est-à-dire, l'avenir est inconnu. Ce qu'on avait pensé à ce moment-là être catastrophique, ce refus des États-Unis, au contraire, a des effets bénéfiques. Et ça, il faut se dire, la réalité a plus d'imagination que nous, et nous ne connaissons pas ce qui doit se produire, mais nous devons être dans une attitude qui, pour moi, ressemble à l'attitude du début des années 40, quand Adolf Hitler répandait la terreur et menaçait la civilisation. À cette période, beaucoup de personnes avaient cédé devant sa puissance, mais en particulier un homme que j'admire, Churchill, a dit non. Cette attitude qui consiste à dire non, non comme un enfant qui tape du pied, me paraît être l'attitude qu'il faut prendre aujourd'hui. Nous sommes devant ce qu'on peut appeler des veillées d'armes, un peu comme les gens avant la bataille qui se préparaient au Moyen Âge à affronter quelque chose de très dur. C'est un peu l'attitude que nous devons aujourd'hui si nous avons quelque espoir de nous en tirer. Nous préparer à affronter cette nouvelle guerre et faire de chacun d'entre nous un soldat de l'écologie? Un soldat de l'écologie, oui, De la absolument. planète? De la planète dans son ensemble. L'intérêt, il y a toujours l'intérêt quelque part, même dans les plus mauvaises nouvelles, c'est que cet objectif qui maintenant s'étend à l'ensemble de l'humanité a plutôt cet effet positif de rassembler et de peut-être éviter d'amener des compromis sur, par exemple, l'armement, la guerre. Par exemple, il y a une arme qu'aujourd'hui beaucoup de personnes essaient de défendre et qui est en préparation ou en décision de préparation dans beaucoup de pays. C'est ce qu'on appelle les armes autonomes, c'est-à-dire les armes qui peuvent décider d'agir sans le consentement d'aucune personne. Et ça, tout le monde, évidemment, est effrayé à cette idée. C'est déjà parti avec des drones, mais dans les drones, il y a quand même quelqu'un qui décide, tandis que là, l'arme en question prendrait elle-même son opinion sur la question. Donc ça, c'est un exemple de la réaction qu'on a aujourd'hui. La vie terrestre n'est plus garantie comme elle l'a été pendant des milliers d'années. Aujourd'hui, elle devient une menace, et une menace qui est provoquée par la très grande puissance qu'a atteint l'humanité aujourd'hui. Nous avons ce qu'il nous faut pour nous détruire complètement. Nous l'avons sur deux fronts différents, que ce soit la guerre nucléaire, et on a bien vu par la guerre froide qu'on est venu passer tout près. On ne sait pas très bien comment s'en est tiré, mais ça se réveille encore aujourd'hui. Et à cela s'ajoute la mesure de la détérioration de la planète, qui n'est pas une destruction rapide, mais quand même tout aussi redoutable, et à laquelle on doit réagir. Donc l'humanité maintenant est en face de deux possibilités de se détruire par des moyens qu'elle a inventés elle-même, c'est ça qu'il faut dire. C'est pas la nature au sens du froid, des bêtes féroces, de tout ce qu'on redoutait auparavant, c'est nos propres inventions. Nous sommes d'une puissance extravagante et nous ne sommes apparemment pas facilement en mesure de contrôler cette puissance. Et l'objectif devient aujourd'hui exactement cela. Contrôler cette puissance, contrôler l'armement nucléaire et les armes autonomes, contrôler la détérioration par le réchauffement climatique. Et aujourd'hui, on le découvre de plus en plus par la biodiversité, c'est-à-dire des actions que jusqu'ici, on ne soupçonnait même pas. Par exemple, on découvre aujourd'hui le fait que les vers de terre sont en diminution rapide, voire à disparition, et que les vers de terre ne sont indispensables pour oxygéner la terre, comme les animaux minuscules qui purifient l'eau, c'est-à-dire tous ces cadeaux que la nature nous a donnés sans coût et qu'aujourd'hui, par notre comportement, nous menaçons. Vous évoquez, puis on va y revenir, des issues, des solutions, un futur plus lumineux. Vous parliez des villes, de la nouvelle génération. On va en parler dans un instant. J'aimerais tout de même vous faire réagir aussi à ce qui s'est passé récemment, au début de la semaine, sur des journalistes qui affichent à l'heure de grande écoute, objectivement, du climato-scepticisme, comme on pensait qu'il n'existait plus ou qu'il ne se prononçait plus de manière aussi frontale et aussi brutale. En accusant une candidate écologiste d'être une bobo qui veut mener une forme de révolution et détruire l'économie. Voir ce genre d'opinion surgir à heure de grande écoute, sans contestation, à la télévision française en 2019, Hubert Rive, ça vous évoque quoi ? Eh bien, ça m'évoque d'abord la surprise, parce que aujourd'hui, tous les académies reconnaissent que la détérioration climatique est une réalité et non pas un mythe. Mais aussi, souvent, des gens me disent « Oui, vous dites ça, mais monsieur Intel dit autre chose. » Alors je leur dis « Écoutez, quand vous avez un problème qui vous importe et dans un domaine dont vous n'êtes pas spécialiste, et là je parle évidemment du réchauffement climatique, la meilleure chose à faire, c'est d'identifier la meilleure autorité qui peut en parler décemment. Alors, vous avez le choix. Vous croyez ce que raconte le GIEC, sachant que ce sont des milliers, je crois que c'est 3000 au total, chercheurs les meilleurs à l'échelle mondiale, ou bien vous voulez vous m'opposer l'opinion d'un ministre ou quelque chose qui ne connaît pas grand-chose. D'un éditorialiste de la télévision. D'un éditorialiste. Ben, c'est votre choix. Vous prenez l'opinion que vous désirez. Il est conseillé de choisir le mieux en connaissance de cause. Et donc, c'est votre choix à vous. Si vous préférez l'opinion d'une journaliste ou d'un ministre, ça vous regarde. Mais je pense que c'est pas tout à fait la chose à conseiller. C'est pas très sérieux. C'est pas très sérieux, non. Ce qui est intéressant, ce qu'on entend finalement dans ce discours résurgent de climato-scepticisme, c'est de dire finalement lutter contre le réchauffement climatique, c'est prendre le risque de détruire l'économie. Or, on voit dans ce rapport de l'IPBES sur la biodiversité que les experts vont relativement loin, hein, et ils disent qu'il est nécessaire de faire une réforme majeure de l'économie avec des contrôles très forts des systèmes financiers. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, Hubert Reeves, que l'économie de marché, le capitalisme est compatible avec notre planète, avec l'environnement, ou est-ce qu'il faut changer en profondeur la manière de gouverner, de gérer le monde et l'économie ? Bon, je ne suis pas très spécialiste de ces questions, je ne peux pas vraiment... Là aussi, je méfie à ceux qui disent si l'écologie s'écroule, l'économie s'écroule. C'est plutôt dans ce sens-là. C'est pas dans le sens si on défend l'économie, on ne craint rien. Je pense que ce qu'on me dit, encore une fois, je suis pas spécialiste, à plusieurs niveaux, et je pense au livre de Monsieur Serving qui dit sur le futur, un livre très intéressant que je recommande à tous. Pablo Servigne, qui est un livre qu'on qualifie de collapsologue, c'est-à-dire qui annonce l'effondrement à venir tout de même. Oui, qui dit il y a très vraisemblablement, on n'est jamais dans la certitude, mais très vraisemblablement un effondrement de l'économie et beaucoup de critères, beaucoup de constatations le montrent. C'est très vraisemblable. Au lieu de paniquer, si le résultat, et j'aime bien, il faut s'y préparer. C'est-à-dire essayer de voir à ce que ce phénomène, cet événement, puisse quand même garder la vie vivable à la surface de la Terre. Et ça, je pense que c'est l'événement, la chose la plus importante. Et donc, sur ce plan, je crois que c'est très bien qu'on soit réaliste, qu'on regarde ce qui se passe. Beaucoup de personnes donnent l'exemple de la crise de 2008 comme un exemple du fait que l'économie est aujourd'hui sur des bases extrêmement instables et qu'on pourrait, du jour au lendemain, vous annoncer, comme on l'a fait en Grèce, que maintenant, à la billetterie, vous ne pourrez plus sortir plus de 50 euros. C'est le genre de critères, le genre d'événements qui serait possible et qui montrerait un véritable collapse écologique. Un effondrement. Pensez-vous aujourd'hui que les gouvernements du monde entier, et notamment le gouvernement français, est à la hauteur de ces enjeux écologiques, de l'effondrement de la biodiversité, du réchauffement climatique ? Est-ce que les gouvernants ont pris la mesure de ce qui nous attend et des réactions qu'il faut avoir aujourd'hui pour empêcher justement cet effondrement d'advenir ? Bon, il y a un exemple récent qui parle à ce sujet, c'est la démission de Nicolas Hulot. Je crois que Nicolas Hulot, par sa démission, a montré que les gouvernements aujourd'hui sont en grande difficulté vis-à-vis de cette question et qu'il ne suffit pas de nommer un ministre aussi écolo, compétent, sympathique, moi j'aime bien, que Nicolas Hulot pour résoudre le problème. Le problème est d'une intensité plus grande encore, et je crois que c'est relié au fait qu'aujourd'hui, les gouvernements, la marge de manœuvre des gouvernements est beaucoup plus faible qu'elle l'était dans le passé, à cause de la mondialisation, à cause du très grand pouvoir que rejoignent, qu'atteignent aujourd'hui les multinationales, les fameuses GAFA et tout cela. Je crois que c'est ce dont il faut prendre conscience aujourd'hui. Ça n'est pas à l'échelle nationale que les problèmes se résoudront, parce que les multinationales font que ça ne se passe plus à cette échelle, mais pourront se passer seulement à l'échelle internationale avec l'entente, comme celle dont j'ai parlé tout à l'heure, dont elle est un début, de ce qu'on appelle la gouvernance. C'est-à-dire qu'il y a déjà, bien sûr, l'ONU et l'UNESCO, mais qui n'ont pas les pouvoirs législatifs, qui sont consultatifs, mais qui n'ont pas des pouvoirs législatifs. Un exemple, c'est l'océan. L'océan, aujourd'hui, est à personne. Donc, des décisions peuvent être prises par des nations une décision unilatérale qui pourrait créer de graves dangers. Il y a aussi aujourd'hui maintenant des efforts pour avoir, pour créer une gouvernance des océans, mais ça devient également indispensable. Encore une fois, les événements sont à l'échelle mondiale. Et c'est pas une mauvaise nouvelle quand les matelots, quand le bateau coule, les matelots cessent de se disputer. On peut dire comme ça que ça devient peut-être une incitation à des efforts plus internationaux. Vous parliez de deux sources d'espoir qui vous permettent de rester optimiste, Hubert Reeves. Les villes, d'une part, et la nouvelle génération de l'autre. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'un cas comme dans l'autre, notamment au Québec, vous parliez de toits blancs, de végétalisation, de choses comme ça, qui vous encouragent, qui vous disent que peut-être au niveau des communautés, des villages, des cités, de groupes d'habitants, on peut intervenir, on peut essayer de changer la donne? On a déjà des cas où ça a été le cas. Par exemple, je reviens à la Californie des années 1875. C'est le moment où la première fois, on décide de faire des lois de protection de la nature. C'est, par exemple, le début du Sequoia Park, de ces parcs nationaux, où des lois s'appliquent. Et ça, c'est aussi également une époque importante. Monsieur John Muir, qui est un héros, j'aime bien parler des héros de ce qui s'est déjà fait. C'est intéressant de pouvoir mettre des noms, de dire que c'est lui qui, le premier, avec d'autres collègues, bien sûr, a réussi à obtenir du gouvernement américain des lois de protection de la nature. Il y a aussi plus récemment Madame Rachel Carson, qui, ça c'est en 1960, qui a écrit un livre qui s'appelle The Silent Spring, Le printemps silencieux, justement autour du fait qu'à cette période, moi je m'en souviens, j'étais aux États-Unis, dès qu'il y avait un moustique, on répandait du DDT, et donc elle a écrit ce livre pour signaler que le DDT, ça tue les moustiques, mais ça tue aussi les oiseaux, et que si on continuait, on aurait un printemps silencieux. Et elle est allée voir le président Kennedy, et elle a réussi, là aussi, à obtenir l'interdiction du DDT. Et cette volonté aujourd'hui de réduire les pesticides est de plus en plus présente. On sait justement que ici, dans notre pays, il y a déjà des problèmes et qu'il faut contrôler tout cela. Et donc, en ce sens-là, cet éveil que l'on trouve un peu partout est encourageant. La question, c'est est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est assez rapide, ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce qu'on peut prendre d'assaut cette détérioration et essayer de la contrôler? On sait que c'est nécessaire, qu'on sait que c'est aussi possible, qu'il se passe des choses qui vont dans ce sens-là, que les adolescents... Moi, je me souviens, je vais souvent dans des lycées pour faire des conférences sur l'écologie. J'ai commencé il y a plus de 40 ans. J'avais quelques étudiants qui étaient là pour éviter un cours de mathématiques. Ça n'avait pas beaucoup plus d'intérêt que ça. Aujourd'hui, vous avez déjà l'enthousiasme, vous avez déjà des posters, vous avez des gens qui ont fait des ententes avec les autorités de leur lycée pour avoir de l'énergie bio, du restockage des matériaux et tout cela. Et donc, sur ce plan, on sent déjà qu'on est sur un terrain vibrant. Ça, il faut se rappeler ça, il faut le dire, parce que c'est bon pour le moral. Vous pensez que l'espoir, c'est la nouvelle génération, ce sont ces adolescents, cette adolescente suédoise, tous ces adolescents qui organisent des marches et qui sont beaucoup plus sensibles au monde que nous leur laissons? Absolument. Tout à fait du réalisme. Et je crois que cette jeune femme... Greta Thunberg joue un rôle très important par sa décision, et que on espère que cela va donner quelque chose. Encore une fois, l'avenir est inconnu, mais il risque d'être assez redoutable. Il y a un autre astrophysicien qui s'est beaucoup engagé pour le climat, c'est Aurélien Barreau. Est-ce que, avec parfois des discours assez musclés, est-ce que vous partagez son point de vue, qui est, il le disait il n'y a pas très longtemps, que nos enfants ou nos petits-enfants auront le droit et seront justifiés à nous juger, nous, nos générations précédentes, comme des criminels? Je pense qu'effectivement, je suis content, j'étais content de voir que Aurélien Barreau s'intéressait à cette question et d'une façon assez claire et vigoureuse. Ce qui me surprend, c'est qu'il n'y a pas plus de scientifiques qui se mettent de cette partie. Malheureusement, beaucoup de chercheurs qui seraient tout à fait autorisés à ce genre d'attitude, comme tout le monde d'ailleurs, préfèrent s'en tenir à leurs occupations qui sont intéressantes, ignorant le fait que l'astronomie et la découverte de nouvelles planètes exigent une économie sereine, saine, et que demandent de l'argent. Donc leur métier est menacé. Ils peuvent rêver de rentrer en contact avec d'autres planètes. Si l'économie ne s'y prête pas, ils ne le feront pas. Donc c'est en ce sens que je souhaite et je propose à tout le monde de se pencher un moment sur l'avenir tel qu'il se présente à nous. Et peut-être ça décidera un impact plus général sur plus de monde. Il est encore malheureux que les académies ne soient pas plus actives et en fait tout le monde. Comment faire, on arrive dans les dernières minutes de cet entretien, Hubert Rive, comment faire pour, vous parliez de cette guerre qu'il faut livrer à titre individuel contre le réchauffement climatique, contre la détérioration de la biodiversité, quand les gouvernements ne sont pas les fers de lance de ce combat, quand leurs réponses sont relativement timides. Emmanuel Macron a livré quelques mesures qui ont été très vite critiquées par les militants écologistes comme étant assez faible, en tout cas pas suffisante. Comment faire pour rendre les citoyens, les individus, un par un, responsables, concernés, pour en faire des soldats de cette guerre? Est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est une guerre qui se livre au niveau individuel? Est-ce que, comme l'apocalypse, pourrait être distribué individuellement et pas collectivement, finalement? Oui, ben je dirais que vous-même, en tant que France Culture, et en tant que ceux qui ont eu l'idée de cette émission, vous faites ce qu'il faut faire. Il ne s'agit pas de faire la morale, et c'est même ça joue souvent un rôle négatif, il s'agit de dire ce qui est. Et je dirais que ce récent rapport du GIEC est vraiment dans le sens de signaler la gravité de la situation. Ça n'est pas un scoop qui va disparaître aussitôt. La situation va continuer à s'aggraver et à s'améliorer, j'espère, et nous entrons dans une période cruciale pour l'avenir de l'humanité. Ça, il faut bien dire ça. On dit souvent, on est en campagne électorale, il va y avoir une élection pour le Parlement européen dans peu de temps, et on a l'impression que dans cette campagne, on entend pas beaucoup encore parler d'écologie, que l'écologie, les listes écologiques font un peu plus qu'elles ne faisaient naguère, mais compte tenu de l'urgence qui est décrite par ces différents rapports, on pourrait imaginer que cette écologie politique, elle soit plus forte. Comment est-ce que vous expliquez qu'elle ne devienne pas encore, qu'elle ne prenne pas toute la mesure qu'on pourrait lui attribuer compte tenu de l'urgence? Ben, par exemple, l'autre jour, j'ai vu une émission sur des démonstrations, des manifestations d'écologistes en Allemagne. Et c'était tout autre chose que ce qu'on a vu ici. Il y avait des foules et des foules. Et c'était vraiment... Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui manque? Pourquoi est-ce que nous avons un tel enthousiasme pour les gilets jaunes? Et très bien. Je veux dire que les gens réagissent, c'est très bien. Mais pourquoi la cause de l'écologie aujourd'hui ne suscite pas c'est un peu d'enthousiasme, pas suffisant. Ça, c'est une question que je me pose, à laquelle je n'ai pas de réponse. Et même au Québec, il y a eu aussi des manifestations assez massives. Pourquoi est-ce que ce sujet n'atteint pas le fond, n'atteint pas les personnes au point de manifester? C'est une question que je me pose. Et j'espère que tout cela va s'améliorer, grâce à des émissions comme la vôtre. Quels sont vos petits trucs à vous? Il faut retourner justement dans les jardins, il faut compter les oiseaux, il faut rendre des petits services écosystémiques, il faut faire attention à un titre individuel. Comment est-ce qu'on sensibilise les gens justement dans leur comportement quotidien, dans leur vie quotidienne? Oui, ben je dirais une chose que je dis souvent aux parents, c'est d'amener vos enfants dans la nature. Les enfants sentent ce que les parents aiment. C'est pas la peine de leur faire des discours. Les discours de la moralité, c'est pas la bonne solution. C'est au contraire communicatif, affectif, montrer que la question est importante par la manifestation. Si les parents vont manifester, les enfants auront envie de manifester aussi. Donc expliquer les plantes du jardin, aller sentir la Véronique. Par exemple, montrer un intérêt affectif, c'est pas mental, il faut pas que ça reste mental. Récemment, on a fait un film avec des Québécois qui s'appelle La Terre vue du cœur. Et ce film, justement, est fait pour dire que l'adhésion affective est essentielle pour mobiliser les gens. C'est pas ce que vous savez qui va mobiliser vos énergies, c'est ce que vous sentez, ce que vous vivez. Donc cette prise de conscience affective que nous sommes tous dans un bateau qui ne va pas très bien, je crois, est indispensable. Et pour conclure, Hubert Rives, une toute dernière question. Vous qui êtes, comme on l'a entendu au cours de cet entretien, un éternel optimiste, alors qu'effectivement le panorama est plutôt navrant, catastrophiste, qu'en ce moment, quand on allume la télé, on n'a pas beaucoup de raisons d'avoir de l'espoir. Quelle est votre recette? Quel est votre secret? Comment faire pour transformer une population de pessimistes en d'éternels optimistes comme vous? La seule solution que je connais, c'est de écrire, faire des livres, faire des conférences et tout cela. C'est la seule solution qui est à ma portée. Je crois que c'est la façon d'y arriver. Je suis content de voir, ou je constate avec un grand intérêt que depuis quelques années, ce sujet est maintenant à l'ordre du jour, à peu près partout. Et ça, c'est un grand progrès. Encore une fois, ça n'était pas le cas il y a 20 ans, et tant que ça ne sera pas vraiment aussi urgent que, par exemple, les causes des gilets jaunes, il y aura des problèmes. Merci beaucoup Hubert Rives, merci infiniment de nous avoir accueillis chez vous aujourd'hui pour prendre une petite dose d'optimisme à la Hubert Rives. Vous pouvez vous plonger dans cet herbier de Malicorne, j'ai vu une fleur sauvage où on décrit bien toute une population de fleurs sauvages au fond de ces jardins et de ces sous-bois de Bourgogne. C'est aux éditions du Point. Merci encore de nous avoir accueillis Hubert Rives. Merci de votre invitation. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette-Saint-Vulfran, Éléonore Pérez, Baptiste Léger, Mathieu Lefrançois, Céline Lausanne, Olivier Bétard à la réalisation. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique, demain, c'est un vendredi consacré à l'actualité des sciences et de la recherche. On parle de la deuxième révolution quantique. Vous pouvez commencer à réviser la première, de la nouvelle épidémie d'Ebola et de l'effet de la campagne de vaccination en Afrique de l'Ouest. Et surtout, nous vous donnerons la recette de la fabrication de l'or au cœur des étoiles. Ils sont gentils. Allez, rendez-vous demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.